Tikanga nalanda Jezi Ata bose kinga natala nyoso papa Yesu nanga yami Yesu nanga yami Nasale la kimo kili nazirie Lelo na change fonzinso nanga inyoso Yesu nanga yami Yesu nanga yami Boso bali boso maele sima Nale kisa kitango ebele ya pamba Yesu nanga yami Yesu nanga yami Kai lelo na jire Kai na jesu sukate Kai na ye ya libela Separation ike leve La vie éternelle, awana mokili to sale la sentoto, passe à papa, passe à papa, la signé contrat et pas à Jésus, la pessie et misona mato ignoso, y est assez bas, y est assez bas, l'omolanga va posa ya mokili, na jirena kopengo malisu. Ganga.